Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Adrien Arnoux. Ouais, salut. Comment ça va? Adrien, comment tu vas? Ça va, on est là. Hein. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Moi, ça fait 8 ans que je fais du stand-up et là, en plus, avec le confinement et le Covid, en gros, tous mes souvenirs, ils sont un peu mélangés dans une espèce de grosse boule de galère, en fait, tu vois. C'est-à-dire que si on me demandait, alors, t'as des anecdotes de galère de scène, je peux te parler de genre tous les soirs. Bah oui, voilà. J'ai l'impression que tous les soirs, je peux trouver un truc, tu vois. Si t'as genre galère et si t'as des sous-catégories qui me permettraient de creuser un peu dans ma mémoire et de revivre certains de ces traumatismes. On va les analyser ensemble et puis voilà, installe-toi sur le divan et parle-moi de ton enfance. Non, on peut rester sur la scène. Bah, après, tu sais, les galères de scène peuvent venir de choses de l'enfance aussi. Hein. Moi, je vois mon cas déjà. Les traumatismes, en fait, souvent, tu vois, remontent à l'enfance et tout. Et moi, je vois le fait de monter sur scène, j'ai l'impression que c'est parce que, tu vois, quand j'étais gamin et tout, je cherchais à être approuvé, validé par les autres, aimé tout simplement. Et bon, bah voilà quoi. Ce que j'ai pas eu comme amour à ce moment-là, je le retrouve sur scène avec mes spectateurs qui me manquent tellement. Ah, oh, punaise. Enfin bref. En tout cas, pour en revenir à l'histoire de la boule de galère, je comprends tout. Totalement ce que tu veux dire. Et dans ce podcast, en fait, on utilise toute la boule. Vraiment, tout le truc. On peut autant raconter des galères de solitude sur scène, de bide, des soirées qui se sont passées bizarrement avec quelqu'un dans le public qui disait quelque chose de spécial ou je ne sais pas. Ça peut être des galères de transport, d'hébergement, tout, tout. Oui, c'est pour ça que je te dis, j'ai tout en fait en rayon. Et je me dis là, tu parles de tout ça. En fait, j'ai juste 8 ans de ma vie. Parce que j'ai fait que ça en fait. Ça fait 8 ans que j'ai fait du stand-up et que j'ai vraiment fait que ça de ma vie. Donc, en gros, tous mes souvenirs, c'est ça. Et c'est globalement un peu galère. Moi, j'ai des bons souvenirs de scène, évidemment, mais je pourrais presque dire qu'une fois sur trois, il y avait quelque chose de galère. Tu vois. Pas forcément vrai, mais c'est comme ça que je m'en souviens, en tout cas. Ah, mais en tout cas, ouais, une fois sur trois, je veux bien te croire. Quand tu fais que ça, c'est sûr que tu t'y exposes plus. Et voilà, après, ça fait des souvenirs. Mais si, par exemple, si je te dis l'anecdote, tu vois, genre, si on te demande quelle est l'anecdote qui t'a le plus marqué dans ta carrière, voilà. Y a un truc que je raconte sur scène, mais en fait c'est marrant cette histoire parce que là, je crois que c'est une histoire que beaucoup d'humoristes ont d'une manière ou d'une autre. C'est le truc où il y a un truc triste avant toi et après c'est à toi, tu vois. Ouais. L'idée, donc là c'était un truc caritatif en mode stop la violence. Il y avait des enfants qui étaient morts dans le quartier et on jouait devant ce quartier et en gros il y a eu un PowerPoint avec de la musique triste et les photos des enfants. Après il y a eu un discours des amis de ces enfants qui étaient décédés, en mode ils faisaient des poèmes hyper tristes et tout. Et ensuite, c'était à moi, quoi. Mais l'enchaînement était totalement logique, mais c'est normal. Évidemment. Et à l'époque, tu sais, ça faisait 2 ans que je faisais ça, non, un peu, ouais, 3. Et en gros, j'avais 15 minutes, mais il se trouve que, ouais, devant des familles, ça passe pas, quoi. Ouais, c'était du texte un petit peu osé, quoi. Bah, c'est les premiers trucs que les gens ont vu de moi, en gros, quoi. D'accord. Sur internet et tout, Jamel et tout ça, quoi. C'était pas adapté, ouais, à ce public-là, quoi. Non. Et puis surtout en premier, ils m'ont mis en premier, quoi. C'était ça le plus galère, tu vois. Peut-être si j'étais arrivé plus tard, un peu plus tard que juste après les photos des enfants morts, ça aurait été plus simple. Mais j'allais dire réellement, est-ce que le problème vient vraiment du contenu ou juste de la soirée, quoi? Parce que, enfin, n'importe qui passerait après des photos d'enfants morts pour un événement tragique et tout, enfin, je sais pas vraiment si un humoriste arrive à tirer son épingle du jeu à ce moment-là, quoi. Si j'avais eu des vannes un peu à la Seinfeld, tout public d'observation, ça aurait peut-être pu marcher, tu vois. Même si je peux même pas être sûr. De toute façon, tu peux pas revoir. Mais oui, effectivement, c'était pas idéal, mais disons que les blagues n'ont pas aidé, quoi. Tu vois, je pense qu'avec d'autres blagues, ça aurait été peut-être un peu plus simple. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est complètement séparer les deux choses, tu vois. C'est-à-dire vraiment faire, par exemple, je sais pas moi, une soirée hommage à ces gens-là, donc vraiment faire venir les familles, tout ça. Donc, tu sais, vraiment pour faire la partie triste, parce que réellement, c'est triste ce qui s'est passé, et la fois d'après, organiser un spectacle dont tous les bénéfices vont être reversés aux familles, un truc comme ça. Tu vois, mais vraiment séparer les deux. Mais là, de mélanger les deux dans la même soirée, je pense que c'était un pari très risqué, quoi. Oui, et puis là, en gros, ce que tu viens de dire, c'est ça vient de quelqu'un qui a du bon sens, quoi, tu vois. Et souvent, les gens qui organisent des spectacles, le bon sens, c'est pas le premier truc qu'ils ont, ouais, quoi, tu vois. Ouais, bah, tu vois, tu me rappelles, tu connais Selig. Oui, oui. Voilà. Il m'a raconté une anecdote, mais vraiment, mais j'arrive pas à croire que ça existe, cette anecdote-là, quoi. C'est, il m'a dit, en fait, il est parti dans un comité d'entreprise. C'était l'épisode 80, pour ceux qui veulent aller le réécouter. En fait, son spectacle a été acheté par une boîte, quoi. Et le directeur, juste avant que lui monte sur scène, le directeur monte et il dit à tout le monde, donc merci d'être là et tout, blablabla. Et après, il annonce qu'il va y avoir 200 ou 300 licenciements. Et après, il fait, et maintenant, c'est ligue, tu vois, t'imagines? Mais il n'a pas joué, il n'a pas joué. Il est monté sur scène, tout le monde, ça criait, ça pleurait, tout le monde se demandait, c'est toi, c'est moi, on ne sait pas ce qui va se passer. Tu sais, il y avait genre 200 ou 300 familles qui allaient se retrouver limite à la rue, quoi. Et lui, il doit faire des blagues. Donc, il a commencé à jouer à peine, quoi. Il a essayé. Et après, il a dit, mais je ne peux pas jouer, quoi. Enfin, c'est impossible, il ne m'écoute pas. C'est la panique, là. Donc, t'imagines, c'est, enfin, voilà, donc, tu parlais de bon sens, il y a beaucoup d'événements où ça manque de bon sens, oui, c'est sûr. Oui, en fait, c'est pas beaucoup, c'est tous quasiment, en fait, quand tu me demandes des histoires de galère, je pense à toutes ces histoires de galère, à la base, il y a de l'incompétence, enfin, il y a toujours au départ de cette histoire un gars qui n'était pas très malin, quoi. C'est vrai. C'est très souvent ça. t'as des anecdotes, j'imagine, ouais, en comité d'entreprise, des trucs comme ça qui ont été un peu bâclés au niveau de l'organisation. Il y a une fois où j'ai même pas joué. Parce que, ça en gros, bah, c'est pas très très loin de l'histoire de Célix. C'est juste que c'était pour une banque aussi. C'est juste qu'ils n'ont pas été virés. Mais c'est en gros, on passait. C'était dans une grande église désaffectée vers Perpignan et ouais. À Perpignan d'ailleurs. Et c'était genre, imagine une réception cocktail d'une banque. Et à un moment, le patron fait un discours où il parle des chiffres et tout. Et ça dure une plombe. Et ensuite, il y a quatre humoristes qui ne sont pas connus du tout, tu vois. Et donc là, j'en ai vu deux, trois galérer avant moi. Et j'ai fait, vas-y, je ne monte pas, gardez la thune, c'est pas grave. Je vous rembourse le billet, si vous voulez. Y a des fois, c'était la seule fois où j'ai senti que de toute façon, même si j'essayais, ça ne servait à rien, tu vois. Ah, mais ouais, ben j'avoue que quand tu vois les collègues tomber au front devant toi, tu vois, tu les vois prendre des balles. C'est pas un public où genre tu le fais des blagues et ça marche pas. C'est genre limite. Enfin, il t'écoute pas. En fait. C'est genre comme si t'étais pas là, quoi. En plus, il y avait des petits fours et tout. C'est genre. Il y avait des mini burgers. Tous les trucs que j'ai défoncés après le spectacle, il y avait des mini burgers. Il y avait un chef, un traiteur et tout. Ouais. Donc là, c'était genre, ouais, pourquoi inviter des humoristes, en fait? Très souvent, c'est ça, c'est pourquoi vous nous avez invités? Ça sert à rien. Ouais, mais non, mais parce que là, ils n'ont pas mis les bonnes conditions et tout. Et puis, j'avoue que traiteur contre stand-up, le traiteur gagne, on ne va pas se mentir. Ouais, ils pensent que c'est genre comme la musique amplifiée, quoi. Tu te poses, tu mets l'ampli, tu joues et puis on s'en fout après, tu vois. Mais nous, il faut qu'on nous écoute, quoi. Ah non, non, on a besoin de ça, hein, on peut pas. C'est vrai que les musiciens, bah toi en plus qui viens du monde de la musique, tu le sais, les musiciens, ils ont ce grand avantage, je pense. Je sais pas si tu le vois, toi, comme un avantage, tu sauras peut-être m'éclairer là-dessus, mais je me dis tout le temps, ils ont de la chance, parce que même si les gens mangent, même si les gens n'écoutent pas, ils peuvent quand même apprécier, tu vois. Ouais, ouais. Et souvent, c'est toutes les situations un peu, enfin, c'est toujours un peu pareil, tu sais, c'est comme, parfois on me demande, c'est quoi ton pire bide, et en fait... C'est toujours un peu la même chose. Il y a toujours le concours de circonstances, c'est toujours assez similaire en général. Des fois, il n'y avait juste pas besoin d'avoir un spectacle. Et tu vois, par exemple, une autre fois où ça m'est arrivé, c'était une soirée. Là, c'était différent. C'était une soirée étudiante dans une boîte de nuit. c'est toujours pareil. Genre, il ne devrait pas y avoir de spectacle, en fait. Et tu sais, il y a toujours un gars qui dit ouais, mais t'inquiète, on coupe la musique, je te présente, j'ai fait un peu de théâtre. Je te présente et après c'est à toi. Et donc là, le mec a fait ça. Genre, il coupe la musique, c'est à moi. Premier humoriste, présentation, genre, on va faire des blagues, on fait du bruit pour Adrien Arnoux, genre pas de présentation, tu vois. Et là, j'ai tenu 30 secondes et j'ai donné le micro à Lenny Bunga, qui était le mec qui devait passer après. J'ai fait vraiment là, ça sert à rien. Je suis sorti de la boîte et je suis même pas rentré dans la boîte de nuit après, c'est genre trop dans l'ensemble. T'as jeté l'éponge, quoi. Bah ouais, je me dis, bon, personne m'écoute à un niveau où ça sert à rien, quoi. Des fois, il suffit de parler vraiment très fort pour que ça passe, mais là, c'était vraiment impossible. Et, tu vois, Lenny, il leur a dit, fermez vos gueules! Puis il a fait de l'impro, puis tu sais, ça faisait plus longtemps qu'il faisait ça, en plus, moi, ça faisait un an ou deux, je crois. Donc il a su à peu près quoi faire, mais moi, j'étais genre, vas-y, c'est mort. Ah, il est très très fort en impro, oui. J'avais payé pour le vestiaire. J'étais vénère. Ouais, non, c'était vraiment un truc où. Et souvent, les plans galères, c'est aussi au-delà du fait qu'il y ait eu quelqu'un d'incompétent à la base, c'est souvent toi qui n'aurais peut-être pas dû dire oui aussi, tu vois, ou qui n'a pas posé à cette question. Le problème, c'est qu'au début, tu vois, quand tu commences, tu prends tout, quoi. Tu as besoin de jouer, tu as besoin de stage time, quoi, tu vois. Tu veux vraiment gagner en expérience, en aisance, tu vois, genre en facilité de jeu. Et puis, tu te dis aussi qu'il faut que tu te forges. Donc, tu acceptes tout. Et quand, en plus, c'est payé 7,80 €, bah là, tu peux pas résister, quoi. Ouais. Moi, il m'a fallu... J'ai attendu 4 ans, peut-être, avant de commencer à poser plus de questions aux organisateurs qui me proposaient des trucs et à par exemple dire ok, s'il n'y a pas de micro, je joue pas, c'est pas grave, je vais être banni de Rueil Malmaison, c'est pas la fin du monde, tu vois. au début, tu prends tous les plans, effectivement, et c'est là que les plans galères viennent, parce que tu as dit oui à des trucs qui devraient pas exister ou tu aurais pas dû dire oui, quoi, tu vois. Ouais, mais après, tu te dis de toute façon, si j'ai pas ça, j'ai rien, ça va me permettre peut-être de gagner en visibilité, parce que aussi, tu sais jamais qui est là dans le public, tu sais pas, tu vois. Moi, je ne crois pas trop à ce mythe. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est important pour un humoriste d'avoir des histoires comme ça, parce qu'un jour, tu vas stresser pour une... alors qu'il n'y aura pas de raison et tu vas faire « Pourquoi je stresse ?» alors que j'ai joué dans une église. Tu vois, voilà. Ce genre de galère, ça me sert à... Quand les conditions sont bonnes et que je stresse, je me dis « Ça ne sert à rien de stresser, tu as survécu à bien pire que ça. » Mais tu te souviens de tes galères et puis tu relativises, quoi. Et d'ailleurs, tu parlais de galérer en gros dans une église. Ça me rappelle que moi-même, j'ai eu la même chose, tu vois, ça vient de me revenir là. J'ai joué dans une espèce de chapelle avec deux copains. On devait faire genre, je crois qu'eux, ils faisaient 10 minutes et moi, je devais faire genre 30 ou 40. On se concerte, on se dit, allez, ils sont un peu durs ce soir. C'était des jeunes devant des jeunes de quartier et tout. Et on s'est dit, allez, on va y aller, tu sais, on se donne de la force, on y va à fond et tout. Ils sont, malheureusement, les jeunes, ils étaient pas réceptifs du tout. Les deux, vraiment, malheureusement, ils ont pas réussi à les choper. Ils écoutaient pas, ils étaient, tu vois. Mais bref, ça s'est quand même pas trop mal passé, on va pas se mentir. C'était pas des bides, attention, hein, c'était pas des bides. Mais moi non plus, je veux dire, spoiler alert, moi non plus, j'ai pas réussi, hein, je te rassure. Sauf que je devais tenir, moi, une demi-heure, je crois, ou un truc comme ça. Et j'arrive comme ça derrière et je joue. Et en fait, pendant une demi-heure, j'ai joué tout seul, quoi, quasiment. Il y avait quelques personnes qui m'écoutaient, je les voyais, mais la plupart ne m'écoutaient pas du tout, ils s'en fichaient complètement, et j'ai tenu jusqu'au bout. Et à la fin, je leur ai fait « C'est bon, les gars, j'ai survécu », et ils m'ont dit « Mais waouh, franchement, tu sais, en fait, ils m'ont dit quelque chose que tu sais, enfin, j'essaye de travailler là-dessus, c'est que je veux vraiment que ça ne se voit pas sur ma gueule quand j'ai envie de mourir, tu vois. À ce moment-là, c'était le cas, et je voulais vraiment que ça ne se voit pas. Donc, ils m'ont dit, waouh, mais punaise, on aurait vraiment dit que tu t'éclatais et tout. J'ai dit, non, pas du tout. J'ai dit, mais voilà, j'étais obligé de donner le change et tout. Et j'étais content parce que ça, c'était mon but, tu vois. Une des premières fois que j'ai joué sur scène, j'ai fait la première partie de Samia Orozman, 2 soirs de suite. Le premier soir, il y avait 2 personnes dans le public, et le deuxième soir, la salle était pleine. Le premier soir, elle a joué normal, elle a joué professionnel et tout, théâtre, nickel. Le deuxième soir, elle a joué pareil. Et moi, je me suis dit, c'est quand même beau de pouvoir déployer autant d'énergie devant 2 personnes que devant une salle pleine. Et je me suis dit, c'est ça mon but, c'est vraiment arriver à donner le change et ne pas montrer que c'est un fiasco total. Et voilà. Donc, c'est ce que j'ai réussi à faire pendant une demi-heure. Tu vois, j'ai fait un peu le poker face, tu vois, genre, et puis en mode, je m'éclate, tout va bien, je joue devant l'Olympia. Et puis après, à la fin, les collègues m'ont dit, waouh, ça se voyait pas que t'avais envie de crever, quoi. Et donc, j'étais content, j'ai réussi à donner le change. Mais est-ce que ça vient pas du fait que ce sont pas des lieux pour ça à la base, tu sais, c'est pas des vraies salles de théâtre et tout? Mais c'est dommage parce que la salle était belle. Hein. Ah oui, il y a plein de lieux. Et tu sais, c'est pareil que, par exemple, pour moi, je pense que le plein air, c'est pas vraiment cool, tu vois. C'est pas vraiment fait pour ça. Donc, il y a des lieux où, ouais, effectivement, quand ça marche pas, il y a souvent une raison. Entre les deux confinements, j'ai fait un truc, c'était dans un resto, et tu sais, c'est toujours pareil, il y a genre le baby-foot à 10 mètres, et ils avaient ouvert les fenêtres qui donnaient directement sur la rue. Donc, il y avait genre les camions des éboueurs, enfin... Le public, c'était des gens qu'ils avaient rabattus, ils les avaient ramenés de la terrasse, ils n'étaient pas là pour voir le spectacle, enfin, tu sais... C'est des otages, quoi. Pas de miracle non plus, tu vois. Malheureusement, en fait, quand les gens ne sont pas au courant qu'il y a un spectacle, ou quand on les force un peu à venir, c'est beaucoup plus difficile de les avoir que des gens qui sont venus, qui ont payé pour ça, quoi. Ouais, bah ça, c'est sûr. T'imagines, tu projettes un film devant des gens qui étaient juste posés dans un parc, et tu leur montres... Enfin, tu vois, genre, c'est une agression, quoi. Oui, mais c'est ça. Bah, je crois que le pire, c'est quand les gens ne savent pas qu'il y a un spectacle et qui viennent pour manger et qu'après on leur dit non, non, taisez-vous et il va y avoir un spectacle là. Donc soit vous restez ici, mais vous vous taisez, soit vous allez autre part et tout. Les gens, ouais, on les chasse un peu. Mais je pense que là, ça vient de la communication en amont. Il faudrait vraiment mettre un gros panneau, tu vois, déjà tout sur les réseaux sociaux et puis un gros panneau devant l'entrée ce soir, spectacle, tu vois, voilà, pour pas induire les gens en erreur, quoi. Ah bah là encore, hein, le bon sens dont tout le monde ne fait pas preuve. Hein. C'est à chaque fois, c'est pareil. En fait, nous, on sait très bien ce qu'il aurait fallu faire. C'est ça. Mais eux, il y a des gens qui sont, ouais, qui comprennent pas exactement. Bon, ouais, après, pour l'instant, tant que c'est encore les débuts du, c'est pas vraiment les débuts du stand-up en tant que truc qui vend des billets, mais le truc où c'est beaucoup dans des bars et des restos et tout, c'est pas un truc qui est vraiment établi. Donc, ouais, les gens partent avec, ils savent pas du tout comment faire, quoi. Donc, ils font ça un peu à l'aveugle. Et puis des fois, tu sais, le simple fait de dire bon, il faut qu'il y ait un micro et qu'il y ait des chaises qui soient orientées vers le même endroit et que le public soit là pour ça. Et rien que ça, c'est pas évident. Tu sais, qu'il n'y ait pas des machines à glaçons juste à côté. Il y a énormément de détails où tu fais, mais c'est évident que ça ne peut pas fonctionner comme ça. Mais genre, une fois, je joue dans un PMU, il y a un match à la télé et il laisse le match. Et nous, on a juste un rideau entre les gens qui regardent le match. Et le spectacle, enfin, tu vois, c'est. Enfin, moi, ça me semble être du bon sens qu'il ne faut pas faire ça comme ça, mais je ne sais pas si les gens s'en foutent ou s'ils ne savent pas. Ils ne savent juste pas, quoi. Tu sais, ils n'ont pas les informations nécessaires pour savoir comment faire ça correctement, quoi. Ouais, mais en même temps, quand je vois l'histoire de jouer avec le match, j'ai déjà donné, hein, j'ai déjà fait ça dans un bar aussi, et le mec avait laissé un match de rugby. Mais la bonne nouvelle, c'est que si tu arrives à coordonner ta plus grosse punchline avec un but, là, tu peux avoir une standing ovation. Oui, évidemment, ça ne se passe jamais comme ça. Donc. Mais en tout cas, ouais, tu as raison, hein, au niveau du bon sens, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui manquent de bon sens, malheureusement. Et tu sais quoi, je te remercie, Adrien, parce qu'à partir de maintenant, quand on me fera un sale plan comme ça et que j'irai, dès que les mecs me feront ça à l'envers, je leur dirai, vous savez quoi, Adrien Arnoux avait raison. Ah bah grave, après, je vais être détesté de toute la France. Et ah, c'est toi le gars qui dit qu'on ne sait pas faire des spectacles. Non, t'inquiète pas. Si jamais ils te détestent ou quoi, je leur dirai attendez. Je leur ferai écouter l'épisode du podcast et ils vont dire ah ouais, non, le mec il a galéré, il peut nous détester, il n'y a pas de souci. Ouais. Tes galères valident le fait que tu. Bah, en fait, c'est même pas être exigeant ou quoi, c'est juste que tu as envie que ce soit logique, quoi. Tu as envie de dire s'il vous plaît, faut pas que les gens mangent. S'il vous plaît, faut que j'ai un micro pour pouvoir avoir un propos assez clair et audible pour toute la salle. S'il vous plaît, faut que les gens soient tous tournés vers moi et pas la moitié qui me tourne le dos. Enfin, j'arrive même pas à croire qu'on en arrive à préciser, quoi. Je pense au fur et à mesure. Enfin, tu sais, par exemple, il y a pas mal de soirées dans des bars à Paris où ils m'invitent pour la première et c'est n'importe quoi. Et puis tu leur dis deux trois trucs qu'il faudrait qu'ils fassent et puis. Il y en a aussi qui écoutent les conseils et qui font ah ok et puis deux trois mois après le spectacle est cool, tu vois, et c'est possible de commencer souvent la première d'un plateau quelque part dans une ville, c'est souvent un peu à l'arrache. Ouais. Et puis au fur et à mesure le public se construit et t'apprends un peu plus à savoir ce que tu fais, enfin voilà quoi, c'est pas tout n'est pas négatif, mais c'est vrai qu'il y a des gens, ça c'est quand les gens on a quelque chose à foutre du stand-up, si tu veux. Puis après, des fois, tu arrives dans des endroits où ils auraient pu mettre n'importe qui, un jongleur, un cracheur de feu, du coup, ils n'en ont rien à foutre, quoi. Tu vois. Ouais, c'est ça. Mais d'ailleurs, je vois que d'habitude, tu es réputé pour être le mec qui inaugure les podcasts. Et d'ailleurs, je te demande pardon parce qu'il y a eu plus de 150 épisodes sans que tu sois là. Ouais, 150 épisodes. Je suis vraiment désolé, j'aurais dû commencer par ça. Et donc, ah oui, Smaïn en numéro 3, oui, c'est vrai. Et je pense qu'en fait, voilà, t'es un petit peu celui qui valide les podcasts et t'es aussi celui qui valide les scènes. On t'invite souvent à la première et tout. T'es un peu l'inspecteur des travaux finis du stand-up. Enfin, il n'y a pas de mystère autour de ça, c'est aussi parce que j'ai du temps libre et je ne suis pas très connu. Hein. des fois, tu sais, genre, les gens te le font sentir sans même le vouloir. Il y avait un épisode avec Pierre-Bruno Rivard, un humoriste québécois, bah, d'ailleurs, qui m'avait dit, je crois que t'étais passé dans son podcast, si je dis pas de bêtises, le carré de sable. Ouais, c'est un pote à moi. Il est adorable, il est super, j'en profite pour le saluer. Et il m'avait raconté qu'il avait été pris pour un corpo, quoi, pour un spectacle en comité d'entreprise. Et la femme lui a dit « Oh, je suis tellement heureuse que vous soyez là et tout. C'est super, je cherchais un humoriste pas trop cher et pas trop connu. » Il faut savoir où on se place aussi, tu vois, je vais pas le prendre mal. Moi, la première fois que je suis allé à Montréal pour le festival, sur l'affiche, ils ont mis la photo d'un homonyme, un autre Adrien Arnoux. Tu vois. C'est une belle galère, ça. Qu'est-ce que tu veux que je me vénère, ouais, je suis pas connu. Le gars me ressemble vaguement. Qu'est-ce que je te dis, en plus, il habitait à Montréal, ce qui fait que ça, ça, je pense, dicter leur choix. Enfin, je sais pas, mais j'allais pas me vénère, quoi, tu vois. C'était marrant parce que le simple fait que je dise, ah, mais c'est pas moi, ils m'ont déjà regardé comme si j'étais une diva, tu Je vais te dire des erreurs de nom, des erreurs de tu sais, genre d'orthographe, machin, c'est pas un problème, ça peut arriver, tu vois. Mais alors qu'on se trompe carrément de tête, que ce soit pas la bonne personne, là j'avoue que c'est quand même balèze. Et genre, la meuf, il y a une meuf qui s'est excusée au bout de 2 semaines. Une soirée parce que je l'ai croisée, genre j'ai croisé la graphiste qui s'est plantée, tu vois, mais en fait les autour, enfin personne s'est vraiment excusé, tout le monde m'a dit ouah, bah t'avais qu'à être plus connu, connard, en gros. Oh là Et là, ah oui, d'accord. ils m'ont pas dit, évidemment ils m'ont pas dit comme ça. Et ton anonyme, du coup, il n'en a pas eu marre de signer des autographes dans la rue? C'est que je l'ai invité du coup au spectacle parce qu'il habitait à Montréal, et du coup je l'ai invité au gala avec genre Ken Kojandi, Sugar Sammy et tout ça. Il est Hein? venu en backstage, sa mère a dit, vous ressemblez. Et après, c'est marrant parce qu'il m'a demandé, alors tu penses qu'on a des ancêtres en commun? Je dis, ouais, enfin, tu sais, Arnoux, c'est genre Dupont, quoi. Donc on a un ancêtre en 630, peut-être, j'en sais rien, tu vois. C'est tellement beau, mais c'est exactement ce qu'il fallait faire. C'est exactement le move de n'importe quel stand-upper, oui, d'inviter le mec, lui dire, bah viens, tant qu'à faire, viens. Au départ, je m'étais excusé, tu vois, genre, je l'avais contacté, genre, je suis désolé, j'espère que ça t'a pas causer des problèmes ou quoi, tu vois. Oh, mais tu y es pour rien, toi. Non, mais il bosse dans la finance, je sais pas, ça se trouve, il n'est pas censé montrer sa tête, enfin, j'en sais rien, quoi, tu D'accord. vois. C'est bizarre. Si je me voyais partout dans ma ville avec des affiches de moi pour un spectacle de jongleur et je suis pas jongleur, je sais pas, c'est chelou. Ouais, non, mais je veux dire, tu demanderais aux responsables, quoi, tu vois, mais t'en voudrais pas aux jongleurs homonymes, quoi, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Bon. Est-ce que tu penses que, du coup, à l'inverse, dans ces bureaux de la finance, il y a des stock options avec ta photo à toi? Je sais pas, mais si je tape Adrien Arnoux sur Spotify, c'est encore, enfin, il est encore là. Ce mec va me suivre jusqu'à la fin. Mais ça, en fait, Adrien Arnoux, c'est plus ou moins Jean Dupont. Donc, si je tape ça sur Facebook, rien qu'avec la même orthographe, j'en ai déjà 15 des homonymes, tu vois. Ah ouais. Et avec d'autres orthographes, il y en a encore plus. D'accord, bah tu vois, on penserait pas hein. Arnoux, moi je savais pas que c'était un nom si répandu, quoi. Non, mais c'est pas dans la première catégorie des noms répondus, mais c'est genre, bref, j'ai pas d'équivalent dans d'autres pays, et puis je veux pas, ça sonnerait peut-être bizarre, mais bref, voilà, en tout cas c'est pas très, ouais, des Arnaud et des Adrien, il y en a 12 000, donc voilà. D'accord. Je suis vraiment content en tout cas d'avoir pu t'avoir, voilà, pour que tu me racontes cette anecdote. Bah, en fait, si tu veux, ça tombe bien que tu étais dispo parce que l'autre Adrien Arnoux n'était pas dispo pour le podcast. Je suis sûr qu'il a un podcast aussi. Je suis pas allé voir. Je suis sûr qu'il en Galère de a un sur la trader. tech ou là. Galère de trader, il est invité ce soir peut-être. Ça existe, hein, des podcasts de trading. En fait, il y a des podcasts sur tout maintenant. Mais c'est ça que j'aime bien, moi, avec le podcast, vraiment, c'est que si tu es passionné par la pêche, je sais pas, la pêche à la carpe, vraiment, tu vas tomber sur un podcast qui parle de pêche à la carpe. C'est tout. Bon. Tu vas, voilà, tu vas te faire plaisir, tu vas mettre ta petite enceinte JBL sur le côté, et puis tu vas pêcher tes carpes, tu vois, c'est tout. Il y a des podcasts pour tout. C'est vraiment le podcast, moi, je trouve que c'est un des plus beaux médias. Et d'ailleurs, je suis ravi que tu aies lancé le tien. Hein. J'en profite pour dire à tout le monde d'aller s'abonner à Laisse-moi finir. C'est vraiment super intéressant de t'écouter discuter avec tes invités et tout. Et les podcasts, je trouve que c'est, ben, je pense que c'est l'avenir. C'est déjà l'avenir depuis un petit moment. Et c'est le meilleur moyen de trouver des trucs de niche, tout ça. Autant des trucs généraux que des trucs de niche. Tout le monde y trouve son compte. Ouais, des fois t'entends des gens qui se plaignent en disant ouais, il y a trop de podcasts qui parlent de stand-up et tout. Je fais, bah, tu sais, si on est deux humoristes, enfin, moi, si j'écoute un podcast entre deux musiciens qui parlent pas de musique, je me dis bon, ils vont parler quoi du Covid et de la vie, enfin, tu vois, ça m'intéresse aussi de tu vois, si t'écoutes une interview de Steven Spielberg et qu'il parle pas de ses films, je dis bon, bah, j'aurais bien aimé qu'il parle de ses films, enfin, tu vois. Moi, je sais que je le prends pas mal non plus. Hein. Je connais. Bah, de toute façon, moi, c'est bien simple. Dès qu'il y a un nouveau podcast sur le stand-up, je m'abonne et je sais que même s'il y a des personnes, même si je sais que le premier invité ce sera Adrien Arnoux, du coup, hein, on en parlait tout à l'heure. Je sais que ça fera toujours plaisir de l'entendre et puis d'en entendre d'autres. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, c'est même marrant d'écouter des fois parce qu'il y a des informations qui se recoupent, il y en a d'autres qui sont ajoutées. Tu as des fois les backstage d'une histoire que tu n'avais pas au départ, tu vois. Donc, moi, je dis vive les podcasts et c'est pas grave s'il y en a plusieurs, c'est pas un problème. Non, je pense que tout, c'est comme, enfin, c'est pas censé être une compétition. C'est-à-dire qu'un podcast pour un humoriste, c'est un truc où les gens qui t'ont vu quelque part, peuvent se retrouver toutes les semaines. et peuvent graviter autour de toi, tu vois. Donc, quasiment tout le monde peut avoir un podcast. C'est juste, bon, bah, après, c'est à toi de te débrouiller pour que les gens l'écoutent. Mais c'est aussi fait pour. C'est un rendez-vous, quoi, tu vois. Sinon, tu peux compter sur des vidéos stand-up que tu postes de temps en temps, c'est pas mal. Mais le fait de parler à quelqu'un toutes les semaines, au bout d'un moment, tu finis par développer des gens qui sont vraiment intéressés par ce que tu dis et les gens avec qui tu le dis, quoi. Ouais, ben c'est ça, en fait. C'est un petit peu garder un lien avec sa communauté et puis parler de ses prochains projets, tout ça, dire je serai à tel endroit pour faire un peu sa com. Et puis, comme il n'y a pas de réelle économie du podcast, c'est pas une compétition parce que personne gagne de l'argent réellement avec un podcast, tu vois. Donc, c'est pas grave. Bon, on ne parle pas de Joe Rogan, hein, on est d'accord. Hein, mais voilà. Nous, je veux dire, on peut tous faire un podcast, c'est pas grave. Si ça te plaît pas, tu écoutes pas, tout simplement. Oui. Puis clairement, c'est vrai que si un collègue humoriste me dit ouais, les podcasts sur stand-up, j'en ai marre, oui, bah c'est normal, parce que c'est pas fait pour toi, en fait. Il y a des gens que ça intéresse parce que c'est un monde complètement étranger à leur vie, tu vois. Moi, c'est comme ça que ça m'intéressait au départ. Et c'est pour ça qu'ils veulent entendre ça, tu vois, ces histoires-là qu'on raconte. C'est vrai que c'est pas mes collègues humoristes qui vont forcément vouloir écouter. Sauf s'ils débutent, tu vois. Mais c'est aussi fait pour les gens qui, je sais pas, qui bossent dans des bureaux, enfin, tu sais, qui ont vraiment des vies complètement étrangères à ça. Et ça va toujours les fasciner, ce style de vie et ce genre de trucs qu'on fait. Moi, je travaille dans les bus. Moi, mon boulot, donc je suis chauffeur de bus dans l'équivalent de la RATP à Bordeaux. Et franchement, quand je roule, moi, j'ai la chance, en fait, si tu veux, de ne pas avoir un boulot qui me, tu sais, qui me monopolise tout, tu vois. C'est-à-dire, c'est juste, tu fais attention, tu restes attentif et tout, tu conduis, mais tu peux écouter un podcast en même temps, ce n'est pas un problème. Ben, j'écoute des podcasts toute la journée et ça me fait super plaisir. Moi, je suis un passionné de stand-up, je m'y suis mis à fond et tout. Moi, j'ai commencé il y a 8 ans à peu près aussi. Et quand je m'y suis mis, vraiment, j'ai dévoré les podcasts. Dès que j'en trouvais un nouveau, le premier podcast que j'ai écouté, c'était celui de Dan Gagnon gratuitement. Et j'ai kiffé, tu vois. Après, il y a eu Donc Voilà Quoi. Et j'ai kiffé aussi, tu vois. Voilà, quand tu commences, c'est bien de se documenter. Et il n'y a pas mieux que les podcasts pour ça, quoi. Ah bah oui, moi j'en ai fait beaucoup des podcasts récemment où je sais pas qui écoute, mais je me disais, de toute façon, s'il y a juste un humoriste qui débute qui peut écouter, et tu vois, ça peut lui permettre d'avoir, tu sais, ça, d'avoir quelques conseils. Moi, c'est comme ça que j'ai appris, c'est en écoutant des podcasts d'humoristes que je kiffais. Et au fur et à mesure, tu as assez d'astuces pour même pas avoir besoin de prendre des cours de stand-up ou quoi que ce soit. Quoi. C'est vraiment la meilleure école. Ils te donnent vraiment tous les conseils qu'il faut avoir. Ah, bien sûr. Moi, il y a un épisode en particulier qui m'a marqué. C'était dans Donc Voilà Quoi avec Sébastien Marx. C'est l'épisode de Dedo. Vraiment, celui-là, c'est un des seuls podcasts, voire le seul, que je réécoute. Pas le podcast entier, mais genre juste cet épisode-là. En fait, je le réécoute régulièrement parce que franchement, Dedo, il détaille plein de choses. Il dit, tu vois, c'est là qu'il a parlé de Comedian de Seinfeld. C'est là qu'il a parlé de beaucoup de gens, tu vois, comme Eddie Izzard. Il a donné des conseils sur le stand-up, il a donné plein de choses. Moi, c'est un de mes épisodes préférés et je trouve que c'est un de ceux qui m'a le plus aidé, quoi, tu vois. De toute façon, ce podcast, je pense que c'est celui qui m'a le plus aidé, tu vois. Donc, voilà quoi, de Sébastien Marx. Et vraiment, ça fait plaisir de pouvoir écouter ça. Des humoristes, en plus, les humoristes, on est dans le partage avec le public et on est dans le partage aussi avec les collègues. Il n'y a personne qui va dire non, ne m'interview pas, je veux pas révéler mes secrets, machin. Non, au contraire, c'est faut faire ça, on se donne des conseils et tout. On se suggère de ne pas avoir peur des bides, parce que clairement les bides, c'est l'école de l'école du stand-up, c'est les bides, hein, c'est comme ça, on apprend comme ça, on avance petit à petit. Et moi, je pense que vraiment c'est super cool d'avoir des podcasts, de plus en plus de podcasts. Au contraire, si vous avez envie de faire un podcast, faites-le. Comme tu l'as dit tout à l'heure, le but, c'est qu'il y ait des gens qui l'écoutent. Donc si tu fais un podcast, même s'il y en a 40 000 sur le même sujet, tu fais un podcast et tu réussis à avoir une audience fidèle, et ben très bien. C'est magnifique. Et dis-toi, à chaque fois que tu enregistreras des podcasts, tu t'inquiètes pas, au minimum il y aura moi derrière le volant de mon bus qui écoute, t'inquiète. Ouais, je me souviens de l'épisode de Dedo, j'avais écouté aussi. Il y avait effectivement, ça m'avait pas mal aidé. J'avais écouté quand j'avais commencé. Il y avait le conseil qu'il donnait, qui est évident mais que j'avais pas, c'était que à partir du moment où t'as l'air à l'aise sur scène, t'as déjà fait la moitié du travail. Et c'est vrai que moi, en plus, c'était une époque où je n'étais pas du tout à l'aise sur scène, donc ça m'a pas mal aidé de dire ok, c'est important quand même que ça se voit que je suis pas en nage. Mais c'est la détente. La détente, c'est, on va dire, la détente, c'est 70% du travail, quoi. L'écriture, c'est ce qu'il disait dans le podcast, je crois. Il disait, t'as beau avoir la meilleure vanne du monde, si tu l'as dit un tout petit peu stressé, ça passera pas. Et tu peux avoir une vanne moyenne, si tu l'as dit en détente, les gens seront morts de rire. Ce qui est très agaçant d'ailleurs. Oui, mais le but, c'est aussi d'avoir justement à terme des blagues qui sont excellentes et avec de la détente. Là, je plaisante, évidemment. Mais Ah. Oui, Bon, je c'est pense vrai que, que toi, effectivement. je pense que toi, ça va. Toi, tu as quand même des punchlines énormes et de la détente sur scène. Maintenant, est-ce que ça vient de je sais pas, du côté, tu sais, on se dit avec ça, avec tu sais, la voix, parce que je pense que ta voix joue en ta faveur au final, tu vois. Une fois que tu as désamorcé avec des premières blagues pour expliquer tout ça, et je pense que ta voix, même c'est vrai, tu as une voix chill en fait, je sais pas comment dire. J'aimerais un jour ne plus avoir à parler de ma voix sur scène, tu vois, parce que, effectivement, si je dois toujours, à chaque fois que je monte sur scène, dire, eh, effectivement, ma voix apparaît avec mon corps, et blablabla, et ma moustache et tout, là, je veux dire, bon. Des fois, tu as juste envie de parler du truc que tu as écrit ce jour-là, et je peux, au lieu d'être obligé de te chier dessus immédiatement pour que les gens t'écoutent, quoi. Mais bon, c'est vrai que ça aide. T'es obligé, je sais pas si tu as lu le livre de Christine Bérou, le premier qu'elle avait écrit, écrire un one-man show et monter sur scène. Je l'avais pas lu, mais je vois ce qu'il y a dedans. Et effectivement, surtout au début, c'est bien. Oh, c'est vrai que quand ça fera genre 10-15 ans que je ferai du stand-up, si à chaque fois que je dois aller dans un comedy club, je dois dire, hey, j'ai une air d'une merde. Il y a une limite à ça, peut-être. Tu vois. Non, je comprends, mais alors je pense que la limite, c'est la notoriété. C'est-à-dire, une fois que tu es connu, les gens connaissent ta voix aussi, tu vois. Donc là, tu n'auras plus besoin d'en parler. Mais pour l'instant, moi, je sais que je suis bien moins, j'ai bien moins de notoriété que toi. C'est clair que j'ai aucune visibilité. Mais les gens qui te connaissent déjà, c'est pas grave. Ça ne les dérange pas d'entendre ton explication là-dessus. Et ceux qui ne te connaissent pas vont te découvrir. Et ça va désamorcer cette petite crispation, en fait. Parce que c'est ce que disait Christine dans son livre. Elle, avec sa voix, qui est une voix enfantine, elle dit, je suis obligée dès le départ de désamorcer avec une blague ou deux là-dessus pour que les gens se détendent. Elle dit, parce qu'une fois, elle avait vu un mec monter sur scène et le gars, il avait un cheveu sur la langue, mais il n'en parlait pas, tu vois. Donc ça fait qu'on ne savait pas s'il le faisait exprès, si c'était un personnage, si c'était lui réellement, alors que s'il avait commencé en faisant une blague là-dessus pour détendre l'atmosphère, c'était réglé, tu vois. Je vais pas te mentir, effectivement, si dans 5 ans je dois encore aller au Barbès Comedy Club et faire des vannes sur ma voix pour qu'on m'écoute, ou normalement je sais pas vraiment ce que je veux faire de ma vie, tu vois, mais c'est vrai. Faut pas non plus. Eh ouais, c'est la vie, hein, faut se chier dessus avant, puis après ils t'écoutent. Non, il y a peut-être d'autres options. En fait, effectivement, ça aide énormément et ça m'a aidé un milliard de fois. Mais c'est vrai que je me dis, c'est pas une mauvaise chose de des fois te dire, hey, tu sais quoi, ce soir, on va pas faire ces blagues-là dès le départ et je vais juste faire ce que j'avais envie de faire. Juste skipper les 2 minutes de, hey, oui, je suis une merde, pour aller directement à l'essentiel. C'est bien des fois d'essayer de te dire, ils peuvent aussi rigoler, même si le nombre de coupes de cheveux grotesques que j'ai eues sur scène et j'en parle pas vraiment et je vois pas en quoi ça a changé le rire des blagues ou pas, tu vois, ou des fringues stupides, enfin, tu vois, t'es pas. Comment dire? Si par exemple un humoriste est en surpoids, c'est quand même triste si toute sa vie doit monter sur scène et à chaque fois dire, eh oui, je suis gros, enfin tu vois, c'est relou quoi. Au bout d'un moment. Ben ouais, c'est un peu ce que je fais, je suis obligé, tu vois. Ah oui, mais je me dis, tu vas pas en avoir marre au bout d'un moment, tu vois. Oui, mais on en arrive au même problème. Dans C'est-à-dire, 6 ans. si un jour j'atteins une notoriété, une visibilité suffisante, parce que le but, ce n'est pas la notoriété, tu vois, si j'atteins une visibilité suffisante pour que les gens me connaissent et sachent que j'ai fait de l'autodérision sur mon poids déjà et que c'est bon, bah, je passerai directement à la blague d'après. Mais j'ai l'impression que c'est plus une carte d'identité. Ce n'est pas en mode je vais me détruire pour vous faire plaisir. C'est plus en mode voilà qui je suis, allez, c'est bon, on peut passer à autre chose. C'est tout, Là, je oui. critique, mais je l'ai fait un milliard de fois. C'est juste qu'au bout d'un moment, je me dis, parfois tu le fais pas et ça passe quand même, quoi, tu vois. Et tu te rends compte que peut-être t'étais pas obligé. Si c'était parce qu'en fait, c'est la routine de ça qui me saoule. C'est de me dire, ah, et donc tous les soirs, de toute ma vie, tant que c'est mon job, je vais le faire. Et oui, ma moustache et ma voix, pas avec mon corps. Et en fait, moi, je vais te Non. dire un truc. Il n'y a que en France que tu es obligé à ce point-là de le faire longtemps. Et dans un pays comme l'Angleterre, le Canada ou même quelqu'un comme Dooley n'aurait pas tout le temps constamment commencé en faisant une vanne sur sa voix, le fait qu'elle n'est pas bourrée, parce que dans d'autres pays, on s'attend à ce que n'importe qui monte sur scène à partir du moment où il est drôle, tu fais 2-3 vannes, effectivement, c'est cool de te chier dessus. Mais en France, on n'a jamais vu d'autres. On a 4-5 modèles visuels d'humoristes et tout le reste, c'est genre des extraterrestres, tu vois. Et du coup, tu es toujours obligé d'expliquer tout. Et c'est super relou, au bout d'un moment. Je pense que c'est un truc particulier à la France, on se juge énormément sur tout ce qui est pas ce que tu es, c'est-à-dire le physique, la voix, l'apparence, ce qui est humain, mais ça va être vraiment le premier truc qu'on va remarquer, le premier truc qui va intéresser les gens. Tu sais qu'il n'y a que en France qu'on me dit que ma voix va pas avec mon corps, parce que c'est pas important ailleurs, parce qu'on est un pays de Gaulmont. Tu vois ce que je veux dire? C'est aussi vraiment pour ça que c'est dommage, tu vois, dans un pays. Enfin, tu vois, c'est cool pour Paul Mirabel que quand il monte sur scène, les gens rigolent déjà, parce que bah, c'est déjà ça de gagner. Mais moi, je trouve ça déjà pas cool de la part des gens de constamment le regarder comme une bête de foie, juste parce qu'il est un peu grand, il a une tête marrante. Dans n'importe quel autre pays, ce serait pas sujet à moquerie et tout de suite, ah bah comme t'es pas musclé, t'es une victime, parce que c'est toujours le truc qu'on fait beaucoup sur scène dès qu'on n'est pas de rock. Ouais, moi je vais faire. On ne devrait pas être obligé de faire ça pour moi, tu vois. Alors, je me pose la question, en fait, par rapport à ça. C'est, tu as totalement raison. C'est vrai qu'on ne devrait pas être obligé à chaque fois de se dévaluer pour commencer un set. Mais en même temps, est-ce que toi, par exemple, toi, je t'imagine, toi, sur scène, monter directement et faire tes blagues, je pense que ça pourrait passer. Mais est-ce que ça ne vient pas du fait que ta voix, elle est dans le sens, entre guillemets, positif? C'est-à-dire, en gros, tu as une grosse voix. Tu n'as pas une petite voix. Tu vois ce que je veux dire? Si c'était l'inverse, si tu avais le même physique que tu as aujourd'hui, et avec une voix complètement, vraiment très aiguë et très fine, tu vois ce que je veux dire? Si tu avais l'opposé de ta voix actuelle, est-ce que tu ne penses pas que ce serait bizarre que tu montes sur scène sans rien dire, tu vois, genre vraiment en faisant directement tes blagues? Bah, ça dépend si l'opposé, c'est vraiment « bonsoir » ou là, tu es peut-être obligé de dire quelque chose. Voilà. Et je te jure que c'est pas, pour moi, c'est pas impossible d'imposer ce que tu es directement, surtout si tu arrives. Je pourrais t'imaginer, toi ou même n'importe qui, hein, arriver sur scène et commencer un sketch, si c'est vraiment un truc drôle. En plus, si ça parle de toi, genre, tu arrives, je passe une bonne journée, voilà un truc que j'ai fait aujourd'hui, tu pars sur un truc directement et c'est genre un super bon passage. Tu vois, t'es pas obligé. Tu vois ce que je veux dire? Tu pourrais en fait commencer avec un truc vraiment cool qui n'a rien à voir avec ton physique et ça pourrait fonctionner. C'est pas un truc systématique. Clairement, ça aide. Ça aide beaucoup. Et puis, c'est bien tu vois, moi, c'est juste une carte de visite en fait. C'est juste pour dire voilà, c'est bon, je suis gros, je fais des blagues là-dessus. Allez, hop, on enchaîne. C'est bon. C'est pour leur dire en gros, c'est limite pour leur dire ne vous inquiétez pas, je suis au courant et ce que je vais vous dire aura certainement un rapport avec mon surpoids. Je parle pas que de ça, bien sûr, mais je veux dire. Vous inquiétez pas, on est là pour rigoler. C'est un peu aussi, j'en parlais avec Raph du What the Fun. Il me disait que lui, tu vois, comme il est roux, il fait des blagues sur les roues. Il se tape d'abord dessus lui, avant de pouvoir taper sur les autres. C'est un petit peu une espèce de permis, tu vois, genre voilà, je me suis bien tapé dessus. Maintenant, je vais taper un petit peu sur tout le monde. Vous inquiétez pas. Tu vois, c'est histoire de dire, montrez pas de blanche, quoi. Dire, je suis pas méchant, quoi. Moi, je trouve ça très regrettable, honnêtement. Que ça soit que même quelqu'un comme Dooley soit encore obligé de le dire, alors qu'elle tu peux que tu puisses pas arriver sur scène et raconter tout de suite une histoire, pour moi c'est triste. Ça veut dire qu'on est encore pas assez avancé au niveau du stand-up pour être pour tu vois, on est encore un peu dans le délire de ouais, c'est un mec rigolo, il a été rigolote, et enfin on voit encore ça comme ça, quoi. Et je trouve ça dommage. Et en plus, parfois, enfin, tu vois, effectivement, tu peux être en surpoids, arriver sur scène. Est-ce que tout le monde dans le public se dit faut qu'ils disent qu'il est gros, sinon je rigole à rien, tu vois? Je suis pas sûr que ce soit aussi systématique que ça. Oui, non, je suis d'accord, mais en même temps, j'ai l'impression que ça vient peut-être du fait. Alors moi, mon surpoids, je peux pas le cacher. Alors qu'une voix, c'est autre chose, tu vois. Une voix, on pourrait penser que c'est peut-être un personnage. Imagine, j'ai une voix grave et en fait, c'est pas ma vraie voix. Genre, ça veut dire que que ma voix naturelle, elle serait haute, donc je me forcerais à aller plus bas. Enfin, tu vois. Oui, non, mais je comprends, ce serait bizarre, mais c'est peut-être le mélange justement de tous les humoristes qui ont des voix un petit peu spéciales, tu vois, ou par exemple, je pense à Babas, si tu as vu Babas, tu vois, dans On ne demande qu'à en rire et tout, c'est quelqu'un, tu vois, qui, enfin, il y a eu un long moment de flottement entre est-ce qu'il le fait exprès, est-ce qu'il est vraiment comme ça dans la vie, et il faisait exprès, tu vois, d'exploiter un petit peu ce doute. Parce que malheureusement, sur scène, enfin malheureusement ou heureusement, hein, sur scène, tu peux avoir la personne entière ou tu peux avoir un rôle qu'elle joue. Donc, tu parles de Dooley. Si Dooley monte sur scène sans rien dire avec sa voix et qu'elle balance et tout, ben, les gens peuvent dire « Ah, attends, elle joue un personnage ou c'est vraiment sa voix ?» Tu sais, en fait, c'est un petit peu comme… tu vois, je te donne un exemple. Moi, mon affiche, c'est une parodie d'une célèbre marque d'eau minérale avec, donc en gros, j'ai un t-shirt avec un bébé, tu vois, sur le t-shirt. Et il y a beaucoup de gens qui me demandent « Pourquoi est-ce que le t-shirt, tu ne l'as pas sur scène avec le bébé ?» Et ce serait facile à faire. J'ai juste à l'imprimer et après, hop, je monte sur scène avec. Mais non, je ne veux pas. C'est fait exprès parce que je ne veux pas que les gens, l'attention des gens parte vers un détail. Et là, la voix, c'est la même chose, j'ai l'impression. C'est si les gens passent du temps à se poser la question « Est-ce que c'est vraiment sa voix ou pas ?» Parce qu'il faut dire ce qui est, la voix de Dooley, ta voix à toi, ce sont des voix remarquables, pas négatives ou positives, hein, juste remarquables, simplement. Donc, les gens, le temps qu'ils passent à se poser la question si c'est vraiment ta voix ou si tu forces le trait, ils ne le passent pas à écouter les blagues et à les comprendre. Oui, mais ça, c'est moi, et justement, pour moi, c'est regrettable. parce que c'est entièrement symptomatique de à quel point on n'est pas encore arrivé à une bonne compréhension du stand-up, parce que c'est vraiment pas comme ça ailleurs, tu vois, je te jure. Et pour moi, c'est dommage qu'on en soit encore là, tu vois. Ce serait pas forcément le cas, par exemple, rien qu'à Montréal, par exemple, tu vois. Tu peux, hein, et tu sais, si t'as des vannes sur ton physique, moi j'en ai encore, et je continuerai à en faire parce qu'elles me viennent, je les écris, ça me fait marrer. Mais se sentir obligé, surtout si tu joues tous les soirs, plusieurs fois par soir, à chaque passage, t'imagines le nombre, ça fait des milliers de passages où en fait, à chaque fois, tu dois toujours dire un truc sur ton physique, c'est genre un cauchemar, quoi. Et honnêtement, ce serait au public de ne pas se demander si c'est vrai ou pas, parce que dans les autres pays, on ne se demande pas si c'est vrai ou pas, on s'en fout, en fait. Et on part du principe que c'est vrai, et après, on attend juste les blagues et voir si c'est drôle. J'ai l'impression qu'il faut juste ne pas écrire des blagues pour se dédouaner de quelque chose ou quoi. Je veux dire, il faut juste, tu vois, comme tu l'as dit tout à l'heure, si tu as des blagues qui te viennent et que tu les trouves marrantes, fais-les. Que ce soit si c'est sur ton physique, c'est pas grave. Moi, c'est pareil, tu vois. Moi, les blagues que je fais, je les assume totalement. Je suis pas du tout en mode, tu vois, il faut juste pas tomber dans la culpabilisation et se dire, oh non, j'ai pas le droit de monter sur scène pour dire tel truc. Il faut d'abord que je me taille moi, tu vois. Non, c'est si tu le sens, fais-le. Si t'as pas envie, monte direct avec ton propos. Mais le fait d'avoir des blagues qui te plaisent et qui correspondent à une carte d'identité, comme je te disais, de ton personnage sur scène, moi je pense que c'est une façon de dire bonjour aux gens et de rentrer, tu sais, de faire une introduction vers un autre passage. Moi, si tu veux, j'ai une petite intro de, on va dire, l'intro entière, elle doit durer 2 minutes. C'est des blagues les unes derrière les autres, des petits clichés, des petits trucs et tout. C'est ma présentation. Et après, je vais dans le sujet dans lequel j'ai envie d'aller. Ouais, mais à long terme, est-ce que dans 10 ans, tu as encore envie de faire ça? C'est ça la question. Imagine, tu as un following, mais tu n'es pas en mode TF1, Arthur et tout. Est-ce que tu te sens obligé à chaque fois, tu vois? D'Ouli, je me dis, au bout d'un moment, d'ici un an ou deux, j'espère qu'elle ne sera plus obligée de dire ça, quoi. Que, tu vois, juste parce que tu as une voix comme ça, tu dois faire 10 minutes toute ta vie sur expliquer pourquoi. C'est un cauchemar. Tu dois justifier ce que tu es. Non, par contre, et ça m'arrive encore maintenant d'écrire des vannes parce que je pense des trucs sur moi et sur mon physique, donc je peux l'écrire, tu vois. Mais ouais, effectivement, le fait de se dire ah, il faut faire ça pour que les gens arrêtent de se demander si c'est vrai ou pas, ça tombe exactement dans la même catégorie que les gens qui te demandent si ce que tu racontes sur scène est vrai ou pas. Alors qu'effectivement, ça, des fois, c'est peut-être un petit peu inventé, mais souvent, c'est vrai, tu vois. Pour moi, c'est vraiment juste qu'ils ne sont pas encore habitués à cette idée-là, quoi. On sort encore des humoristes avec des pseudos qui jouent à des personnages, mais ça va être de moins en moins ça et ça l'est quasiment plus. Mais le public peut encore avoir tendance à penser ça, tu vois. Moi, je pense que d'ici quelques années, ce sera plus obligatoire, tu vois. Jimmo, et maintenant, il peut monter sur scène et pas dire qu'il est lent et tout ça, quoi. Enfin, je pense qu'au fur et à mesure, en fait, il faut que les gens soient de plus en plus habitués à voir différents types de personnes sur scène. Et au bout d'un moment, ils seront plus surpris par rien. Ils attendront juste que ça soit drôle. Oui, voilà. Bah, il faut que le stand-up vraiment se développe et que les gens aient l'habitude de ça. Mais pour l'instant, on a encore trop une culture théâtre ici en France et tout. Ouais. Et du coup, les gens pensent plus que c'est un personnage. Moi, tu sais, regarde, ouais. Je fais un sketch sur le fait que je suis chauffeur de bus. Je raconte des histoires vraies qui me sont arrivées dans le bus. Et il y a encore des gens à la fin de mon spectacle qui viennent me dire « Est-ce que tu es vraiment chauffeur de bus ?» Je le prends pas mal. Ouais. Je le prends pas mal. Mais c'est juste pour dire, les gens ne sont pas encore prêts à écouter, ou à accepter que le stand-up, la personne sur scène, va dire la vérité. Après, il faut dire ce qui est. Tu vois, regarde, moi, j'ai eu une mauvaise surprise. Une fois, j'ai vu un copain qui jouait un sketch et tout, et il le jouait tellement bien. Tu vois, il parlait de son petit garçon, il faisait un truc genre son petit garçon, genre planqué dans sa doudoune. Tu sais, il disait genre le gamin, quand il fait coucou, t'as les petites moufles qui sont collées à la doudoune qui viennent taper contre sa main et tout. Tu vois, ça faisait. Enfin, c'était joli à voir, tu vois. Et après, il terminait son sketch en disant eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté, machin, et pour vous dire, on a tellement aimé cette expérience qu'avec ma femme, on a lancé le deuxième. Et à la fin, je suis allé le voir et je lui ai dit vraiment bravo parce que ça m'avait vraiment fait rire. Et je lui ai dit, c'est génial. Je lui ai dit, il a quel âge ton petit tout? Et il m'a dit, mais j'ai pas d'enfant. J'ai bugué. Mais j'ai bugué parce que vraiment, il m'avait embarqué. C'était sur le ton du stand-up. J'étais persuadé que c'était vrai. Ben moi, tu vois, j'étais à l'inverse des spectateurs. C'est que je me suis dit, ça peut pas être faux. C'est impossible. Et en fait, non, c'était totalement inventé. Mais c'était vraiment un truc d'orfèvre. Hein. T'étais persuadé. Ah, t'étais persuadé que c'était vrai, tu vois. Et du coup, ça m'a un peu déçu. Je lui ai dit, mais c'est tellement dommage. Je lui ai dit, oh, mais il faudrait. J'ai en plus, tu termines en disant, on a lancé le deuxième. Tu vois, Du coup, ça lui a juste fait une chute et tout. Et je trouvais ça dommage parce que pour moi, le stand-up, c'est vraiment la sincérité sur scène, la vérité, quoi, tu vois. Donc, mais on espère, comme tu dis, tu vois, tu parlais tout à l'heure de Jimo et tout. Je pense que Jimo, alors aujourd'hui, il n'a plus besoin parce que justement, il a l'exposition. Il a l'exposition nécessaire pour ne plus avoir à faire ça. Mais je pense que pendant des années et des années, il était venu jouer chez nous au Gavé Style, donc dans notre scène du Gavé Style le jeudi soir. Il était venu à Bordeaux et il s'était présenté comme il se présentait dans ses premiers passages et tout. Je pense que cette carte d'identité de « je suis lent » et « Limoges » et tout, ben je pense qu'il l'a fait pendant des années et des années. Donc, pour répondre à ta question, dans 10 ans, j'espère ne plus avoir à faire les mêmes blagues sur mon poids ou sur mes origines et tout, mais j'espère en faire d'autres. J'en ai trouvé d'autres et j'en ferai d'autres. Mais rester bloqué sur ça, non. Mais il ne faut jamais se sentir obligé, c'est tout. Je ne me dirai jamais « Ah, je dois absolument le faire pour que ça passe ou quoi. » Je le ferai juste quand j'ai envie, quand je trouve une blague intéressante, je la fais, quoi. Ouais, parce que… Enfin, oui, tu peux raconter… Enfin, c'est pas que tu es obligé de toujours raconter la vérité, si tu veux, mais je ne vois pas le plaisir que ce mec-là peut tirer de parler d'une vie complètement fictionnelle avec un enfant et demi, quoi. Enfin, alors qu'il est célibataire, je trouve ça bizarre. Moi, tu sais, c'est à cause de ce genre comme ça qu'on me demande… Tu sais, je fais un sketch sur mon frère gay et on me demande « Alors, t'as vraiment un frère gay ?» Genre, je vais inventer un membre de ma famille fictionnel et je vais me créer un frère gay. C'est comme si je me créais un père noir pour parler du racisme. Enfin, c'est ridicule, tu vois. Après, tu vois, par rapport à ça, par rapport à ces histoires-là, c'est justement le fait que peut-être ils sont tombés sur des gens qui ont complètement inventé une vie et ils se sont fait avoir la première fois et maintenant ils se disent oh, allez, je vais quand même vérifier si c'est vrai ou pas, tu vois. C'est ce qui les force, en fait. C'est ce qui nous force, nous, à nous justifier derrière. Moi, je dis aux gens, ouais, je suis chauffeur de bus. Et pourtant, je suis étonné, parce que c'est pas comme si je faisais une blague ou deux sur le bus. Je fais tout un truc où je détaille le métier de chauffeur de bus. J'explique les situations que j'ai rencontrées avec des voyageurs. Tu vois, après, je parle du métier. J'explique qu'on arrive au dépôt très tôt et tout. Enfin, tu vois, je veux dire, vraiment… si réellement j'étais pas chauffeur de bus et que je faisais ce sketch-là, je pense qu'on pourrait m'enfermer pour schizophrénie, tu vois, parce que c'est vraiment c'est du total vécu, quoi. Je peux pas faire plus vécu que ça, quoi. Oui, c'est bizarre. Bon, des fois, c'est un peu de curiosité. Il veut peut-être que tu en parles plus et il demande ça un peu, genre, pour lancer une conversation. Mais oui, ouais, c'est parce qu'on vient de plusieurs années de personnages. Mm-hmm. C'est un truc qu'on peut encore dire dans certains cours de stand-up. Il faut que tu trouves ton personnage et tout. Hein. c'est encore très ancré dans la culture. Quoi. Donc, mais tu vois, c'est quand même bizarre d'imaginer que ça puisse ne pas être ma vraie voix. Genre, un mec a une voix aiguë, il parle avec... ça n'a aucun sens. J'arrive même pas à expliquer pourquoi ça n'a aucun sens. Tellement ça n'a aucun sens. Ça ne peut pas être ma fausse voix. Parce que sinon ce serait ma fausse voix tout le temps, enfin, tu vois, ouais. C'est ridicule. D'ailleurs, je te remercie de l'avoir prise pour le podcast, hein. Bah, ça veut dire que le reste du temps je parle comme ça, tu vois, mais lâche-toi, sois toi-même, Adrien. Non, mais en plus, je peux monter à différentes octaves en fonction de s'il y a du bruit autour ou pas. Je vais pas avoir une voix grave si c'est le bordel autour de moi et que je dois me faire entendre, tu vois. Et à l'inverse, si je suis genre tout seul chez moi au téléphone et qu'il n'y a personne, c'est plus simple de parler comme ça. Mais en fait, si je parle là comme je te parle dans la vraie vie dehors, on ne m'entend pas. D'accord. C'est les mêmes fréquences que genre les moteurs de voiture. Ça se confond avec. C'est juste un espèce de borborygme. C'est tout ce qu'on entend. Hein. Ouais, bah j'imagine. Ouais. Du coup, quand on reçoit un coup de fil, attends 2 secondes, j'éteins le moteur, il y a Adrien qui m'appelle. <J'imagine>. Bon, mais écoute, je comprends. Alors, ton message à toi, ce serait vraiment soyons nous-mêmes et ne nous sentons pas obligés de nous détruire sur scène pour tenir un propos, quoi. Ouais, parce qu'après, tu te retrouves à dire ouais, le stand-up, c'est horrible parce que ça m'a obligé à me détruire sur scène, alors qu'en fait, c'est plutôt toi qui a pas penser à plus le faire, tu vois. D'accord, ouais, je comprends. Bah écoute, je testerai. Moi, j'avoue que j'ai fait... Alors, ça, je le fais quand je monte sur scène avec un tout nouveau texte. Toutes mes blagues sur mon poids, sur mes origines et tout, toutes les blagues, je les enlève, toute mon intro de 2 minutes, là, je l'enlève complètement et je pars direct, je dis bonsoir et après, je commence direct mon texte. Ah oui, c'est important parce que j'ai envie de tester ces trucs-là, mais il faut que je fasse les 2 minutes obligatoires. Mais je comprends. C'est sûr. Merci beaucoup, Adrien, pour ces anecdotes et pour ces belles réflexions. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Tu peux me retrouver sur Instagram, c'est Adrien Arnoux Comédie. Sur YouTube, tu tapes Adrien Arnoux, mon podcast s'appelle Laisse-moi finir. qui est dispo en vidéo sur YouTube et en audio sur toutes les applis. Voilà. Ok, et tu as peut-être Twitter, une page Facebook? Ouais, c'est pour moi, c'est deux réseaux sociaux qui devraient être anéantis. Je l'ai plus trop. Avec un peu de Googleitude, tu peux me trouver sur Facebook et sur Twitter. Twitter, je tweete plus parce que je vois pas trop l'intérêt, mais sur Facebook, ouais, tu peux me suivre sur Facebook, il y aura les mêmes trucs que sur Instagram. Ok, Le cool. truc sur Facebook, je sais, j'ai 8000 followers et je crois qu'il y a genre 10 personnes qui voient ce que je poste parce que je paye pas de l'argent. Donc, Ouais. je m'en fous un peu, quoi. Mais ouais, si vous aimez Facebook, si c'est votre truc, allez me suivre là-dessus. D'accord, C'est mais pas de le souci. seul réseau social où je suis vérifié. Bah, je mettrai, ah bah c'est déjà bien. Je mettrai Facebook, Twitter, YouTube et Instagram, il n'y a pas de problème. Et donc, merci beaucoup. Pour ma part, vous me retrouvez également sur tous les réseaux sociaux. Donc, Sofiane Etaï, E2TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.